années passent, l'horloge est la meilleure amie du passé. Et elle te rappellera que l'instant a des limites à ne pas dépasser. Que sur le tableau de la vie, la ligne du temps est tracée. Dur de l'éviter, mieux vaut laisser le futur nous embrasser. Victime des aiguilles de nos montres, tous nostalgiques. Des moments les plus magiques à ceux les plus tragiques. S'il y a une chose que l'homme maîtrise peu, c'est le temps. Le cœur noué à voir ses souvenirs emportés par le vent. Chaque moment laisse une marque dans une matière. Une simple odeur peut te faire revenir des années en arrière. Un morceau de musique peut te faire parler à l'imparfait. Toutes les bonnes choses ont une fin, voilà pourquoi rien n'est parfait. Tu attends le temps mais lui ne t'attend pas. Ce qu'il te fait vivre est une chose unique comme le sont tes remparts. Toujours là à lui courir après. Il ne marque pas au feutre indélébile mais à la craie. Rien n'est aussi bref que le temps. On s'attache à son côté éphémère. Il nous attaque au cœur et sans compter à donner sans retour. J'aimerais que le temps s'arrête pour ne plus voir d'aiguilles qui tournent. Prison ni malgré tout, il n'y a que dans mes rêves quand rien ne change. J'aimerais être un escroc, arnaquer Dieu pour ne pas être un ange. Vivre ma vie sans aucune limite de temps. Parce qu'aujourd'hui on avance dans le futur dans les bras de Satan. On sait tous à quoi s'attendre mais on a du mal à se l'avouer. Propriétaire, cœur c'est âme parce que nos corps sont alloués. On vit tous dans le passé quand on retient que les bons moments. On parcourt nos vies par étapes comme les chapitres d'un roman. En conflit avec l'horloge car trop souvent elle retentit. L'heure tourne, je continue d'avancer tandis que mon pouls ralentit. On construit notre avenir sachant que lui-même est trop court. On rêve tous d'être des mineurs pour arrêter le compte à rebours. Dans ce couplet j'ai fait résonner l'air du temps. Des heures d'écriture et 3 minutes de rap pour que tu m'entends. Rien n'est aussi bref que le temps. On s'attache à son côté éphémère. Il nous attaque au cœur et pourtant on appréciera toujours son goût amer.